Bismillahirrahmanirrahim. Dans le dernier ders, nous avions pris que le da'i sunni salafi, avant toute chose, il commence par sa propre personne dans l'application de ce à quoi il appelle, dans ce à quoi il ordonne comme convenable et ce à quoi il interdit comme blâmable, bien évidemment. Ba'da qala al-musannifu hafizallahu ta'ala. Ahli sunnah la yaskutun an batil. Que les gens de la sunnah ne se taisent pas sur le faux. قال واهل السنه لا يسكتون عن باطل فهم الذين بينوا احوال الفرق الضل احوال الفرق الضل وهم الذين تصدوا للشيعة وهم الذين بينوا تراهات المعتزله وهم الذين كشفوا اباطيل الجهميه جمع السنه ne se taisent pas sur le faux. Ce sont eux qui ont démontré les situations des groupes déviants. Ce sont ceux qui sont opposés aux Shia. Ce sont ceux qui ont fait face aux Khawarij. Ce sont ceux qui ont démontré les mensonges des Mu'tazila. Et ils sont ceux qui ont démontré les faussetés des Jahmiya. وَمُ الَّذِينَ حَذَّرُوا مِنْ فِتْنَةِ الْحِزْبِيَةِ الْمُقِيتَةِ وَبَيِّنُوا خُطُورَتَهَا عَلَى أُمَّةِ الْإِسْلَامِيَةِ وَمُ الَّذِينَ بَيِّنُوا مَعَالِي الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمُ الَّذِينَ كَشَفُوا حَالَ أَصْحَابِ الْجَمْعِيَاتِ الْحِزْبِيَةِ الذين افسدتهم الدنيا. Donc ce sont eux qui ont mis en garde contre la fitna de la mauvaise hizbiya, esprit de parti, et qu'ils ont démontré sa dangerosité sur ils ont démontré sa dangerosité à la communauté islamique. Ils sont ceux qui ont démontré ce sur quoi sont comme faux les ikhwan muslimoun, qui sont appelés par les frères musulmans. Ils ont montré leur transgression face au livre et à la sunna. Les gens de la sunna sont ceux qui ont démontré le hal, la situation des gens, des jam'iyat, de hizbi. C'est-à-dire les associations fondées par les hizbi. Ces associations qui ont été corrompues par les biens mondains, par la dunya. Wa sadaqa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, wa sadiqul masduq, idh yaqul li kulli ummatin fitna wa fitnat. Ummati al-mal, akhrajahu at-Tirmidhi. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Parce qu'il a dit que pour chaque communauté, il y a une tentation. Et la tentation de ma communauté, c'est l'argent. Qala wa Ka'b ibn 'Iyad wa yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma dhiban ja'iran ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirs al-mar'i 'ala al-mal wal sharaf al-dini. فأهل السنة هم الذين يفدحون دعاة الدنيا الذين يستترون بالدعوة لتسلق الأموال على حساب دين الله فبينوا حقيقة الإخوان المسلمين وبينوا حقيقة أصحاب الجمعيات وأصحاب جمعيات الحكمة وكشفوا عوارهم وكشفوا حقيقة السرورية وأصحاب جمعيات الإحسان وبينوا ما هم عليه. Les gens de la sunna sont eux également qui ont dévoilé la situation des prédicateurs qui sont des gens de la dunya, des gens qui recherchent les richesses mondaines, ceux qui se cachent derrière la da'wa, se prétendent prédicateurs, et leur but en cela est de soutirer l'argent aux gens. Et cela sur le compte de la religion. Les gens de la sunna, ils ont démontré la réalité justement des ikhwan al-muslimin. Ils ont démontré la réalité également des gens de la situation, ou la situation des gens de Jam'iyat al-Hikma, de l'association de Al-Hikma, qui est une association qui est, elle, une branche, Ihya al-Turath, qui était sous la directive de Abdurrahman Abdul Khaliq, qui est un homme du Koweït, et qui a divisé la da'wa salafia par ses biens. Il a détourné beaucoup de gens de la voie droite, et cela en utilisant l'argent. Les gens de la Sunna, justement, ont dévoilé ce que ces gens-là cachaient. Et ils ont dévoilé également la réalité de la Sururiya. Sururiya sont les suiveurs de Mohamed ibn Surur, qui est un homme qui a beaucoup de déviance, parmi elles le takfir, parmi elles le khuruj, c'est-à-dire le fait de sortir contre les gouverneurs, parmi ces déviances, les organisations secrètes, ainsi que le pacte d'allégeance, ainsi que le fait de diffamer les savants, et autres. Également, ils ont dévoilé les partisans de l'association Al-Ihsan. Et ils ont démontré le mal sur lequel ils sont. Beaucoup de ces gens-là, ou de ces associations, ne sont pas connues en France, forcément. Mais celui qui apprend le mal qu'elles ont commis, et la voie sur laquelle elles étaient, les gens se rendront compte qu'on trouve la même chose aujourd'hui à travers d'autres associations dites salafia aujourd'hui, qui ont les mêmes procédés. Les noms changent, les personnages changent, mais le manège reste le même et le but reste le même et la finalité sera la même. Quand Allah, wa tasadda ahl sunnati al jama'at al jihad. وقد سماهم شيخنا الوالد المحدث مقبل بن هادي الواديعي رحمه الله تعالى جماعة الفساد كما في كتابه الباعث في شرح الحوادث وذلك لما يقومون به من تفجيرات وتلغيمات فأهل السنة يحذرون من أهل الجماعة لما يرتكبونه من المفاسد والتشويه بالإسلام وما يسببونه من الضرر بالمسلمين وفتح الباب للكفار للضرر بالمسلمين. Donc également, les gens de la Sunna sont ceux qui ont fait face au groupe de djihad, qui s'appelle le groupe de djihad, qui sont en fait sont takfiriyoun. C'est comme cela que le Chamoubi les a appelés Jama'at et le Fassad. Et cela à cause justement des actes terroristes qu'ils commettent, comme le fait de faire exploser des lieux, ou le fait de miner des lieux également. Donc les gens de la Sunna mettent en garde contre ce groupe. Pour tout ce qu'ils commettent, comme crime, et comme délit et comme enlaidissement de l'islam aux yeux des gens. Et que leurs actes également sont une cause, naam, qui ouvre une porte aux kuffars, aux mécréants, pour pouvoir s'en prendre aux muslimines. Et d'ailleurs, souvent, ces groupes-là sont des groupes mis en place par les mécréants eux-mêmes pour pouvoir taper les muslimines et après les salir aux yeux des gens. Par exemple, des groupes comme on les voit actuellement, comme ce qu'on appelle Daesh ou le Qaïda amoureux, sont des groupes terroristes. Et ces gens-là, à la base, sont venus de nulle part. Et la plupart du temps, ce sont les mécréants qui sont derrière eux qui les ont mis en place afin de pouvoir corrompre l'islam. C'est-à-dire que ces gens-là font des actes en terre d'islam, tuent les muslimines, également, parfois, chez les mécréants. Comme ça, les mécréants disent, regardez ce que font les muslimounes dans le monde. Et également, cela leur permet, au nom de la guerre antiterroriste, de rentrer dans les pays d'islam. De rentrer dans les pays d'islam et là, de pouvoir essayer d'implanter leur poison. Que les musulmans restent éveillés, restent attentifs, et ne se fassent pas duper par cette soi-disant lutte contre le terrorisme dans laquelle s'engagent les mécréants, car en réalité, ce sont eux qui instaurent ce terrorisme. Non. Et ce terrorisme, comme ils le nomment, c'est une chose nouvelle. C'est une chose qui, il y a quelques années, on va dire, au moins une cinquantaine d'années, ou plus tôt que cela, n'existait pas. Ces gens qui faisaient des attentats suicides et ce qui y ressemble, cela n'existait pas auparavant. De mettre des bombes dans des lieux et de tuer les gens. Cela existait, c'est-à-dire, par d'autres personnes, par les mécréants eux-mêmes, lorsqu'ils faisaient leur guerre contre les Allemands ou autre que cela, ils utilisaient ce genre de procédé. D'accord, le terrorisme. Mais en islam, cela n'existait pas. Tel que eux, on va dire, le font apparaître aujourd'hui. قال وتصدى أهل السنة لفتنة أبي الحسن المصري وأتباعه من ذوي أتماع جمعية البر وجمعية التقوى وغيرها ومن ذوي اللعاب السيال لالتهام الأموال ولم يسكتوا عنهم فبينوا ما عليه أبو الحسن وأتباعه من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. Également, ce sont les gens de la Sunna qui ont fait face à la fitna du dénommé Abu al-Hassan. Abu al-Hassan, qui s'appelle Mustafa ibn Ismail et Suleymani, qui était un Égyptien qui s'est sauvé, qui avait à l'époque des idées déviantes, et qui est venu à Damaj, qui est devenu parmi les toulèbes de Chamoukbil, et il avait encore en lui ses idées cachées, et il s'est fait apparaître comme étant une personne de la droiture, une personne de science, ainsi de suite. Et lorsque Chamoukbil finit par décéder, rahmallahu ta'ala, Abu al-Hassan finit par sortir ce qu'il avait en lui, et d'ailleurs il avait même dit « Zahaba zaman al-khouf », c'est-à-dire que le temps de la peur est fini, car Chamoukbil est mort, donc maintenant je peux apparaître. Et il a fait une fitna, qui a causé la division au sein de la Umma et qui finalement, alhamdoulilah, finit par s'éteindre, comme toute fitna. Et les premiers à avoir parlé sur lui, ce sont les gens de Damaj, Shaykh al-Hajuri, et par la suite, d'autres savants ont suivi, bien qu'ils l'ont défendu au début. قال وهكذا يستمر أهل السنة يدافعون عن الحق ويردون أهل الباطل باطلهم. Et l'auteur finit par dire ولذلك فالحزبيون لا يردون عن أهل السنة لأنهم ينفرون عن الحزبية ولا يرضى عنهم أهل البدع لأنهم ينكرون عليهم بدعهم ويحاربونها ولا يرضى عنهم أصحاب المعاصي لأنهم لا يوافقونهم عليها ويحذرون منها ولا يرضى عنهم بعض الحكومات لأنهم لا يرضون بأنصاف الحلول. Donc c'est pour cela que tu verras les Hizbi, les gens de la Bid'a, ne pas aimer les gens de la Salafia, de la Sunna. Car les gens de la Sunna mettent en garde contre leur mal. Et eux n'apprécient pas cela, n'aiment pas cela. D'accord ? Souvent les gens de la Bid'a également, eux-mêmes, sont des gens qui, pour faire fuir les gens, des gens de la Sunna, leur trouvent des surnoms, des sobriquets, pour les faire fuir. Tu vas entendre Wahhabiya, tu vas entendre, aujourd'hui comme disent des fois, Daesh, pour dire que t'es un Daeshi. Et différents noms, d'accord ? Aujourd'hui, il y a un nouveau nom qui est sorti, qui s'appelle Hajurit, pour mettre en garde contre Shayah el-Hajuri et ses élèves, et ceux qui seraient d'accord avec lui. C'est les mêmes procédés, tout cela. D'accord ? C'est les mêmes procédés, tout cela. Car le fait d'attribuer une personne, d'apporter une personne à son meneur, cela est une chose qui existe en islam. Comme par exemple, on l'a cité auparavant, les Sururiyah, sont les Adbar de Mohamed ibn Surur. D'accord ? Et autres, Jahmiyah, et toutes les sectes qu'il y avait auparavant, Al-Asha'ira et autres, ils ont été apparentés au fondateur de la secte. Mais cependant, parfois, des sectes n'existent pas en réalité. Ce sont des choses que les gens font par ignorance ou par suivi de passion pour faire fuir les gens de la vérité. Car pour faire une chose, la meilleure façon de s'y prendre, c'est de faire peur aux gens de cette chose-là. Donc, ils utilisent ce genre de procédé. Donc, si jamais tu entends ce genre de paroles, Hajurit ou Hajawira, par exemple, c'est ce que je vais faire soit un ignorant, ou soit un Hizbi ou un Maftoun qui suit ses passions. Quel qu'il soit qui emploie ce terme-là et qui met en garde contre les gens de Demmaj, sache qu'il suit la voix des gens de la passion, soit il en est un, soit il les suit sans savoir, ou soit c'est un suiveur aveugle qui ne sait pas ce qu'il dit, mais qui fait que répéter ce qu'il entend, car il pense du bien de ceux qui font du mal. Il a un bon opinion envers des personnes qui font du mal, donc il les croit en ce qu'ils disent et il les suit, malheureusement. Donc également, les gens des Ma'asi n'aiment pas les gens de la Sunna, beaucoup d'entre eux, car les gens de la Sunna mettent en garde contre leur mal et contre leur péché. Et eux, comme ils suivent leur passion, n'aiment pas cela. Beaucoup de gouvernements n'aiment pas les gens de la Sunna, car ces derniers, appellent à la réforme par le biais des moyens religieux qui s'opposent aux convoitises de ces gens-là qui détiennent le pouvoir, qui eux veulent garder le pouvoir ou obtenir le pouvoir par des moyens qui sont non légiférés. On ressemble aux koufars par différents procédés. Les gens-là, ceux-là, les conseillent, mettent en garde contre cela, et eux n'apprécient pas cela. Non. Donc voilà. Donc le khulasa, c'est que les gens de la Sunna mettent en garde contre le mal autant que possible, et cela avec ilm, avec les preuves. Donc les mises en garde sont une chose qui est légiférée lorsqu'elles sont faites dans un but de défendre la vérité, de défendre l'argent d'Allah, Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté des gens du faux. Les sahaba l'ont fait, les salaf l'ont fait. Ce n'est pas de l'uriba, ce n'est pas de la médisance, ce n'est pas de la calomnie. C'est une chose qui est légiférée, qui est même obligatoire dans beaucoup de situations. Et ça, c'est mimbab en nasiha, le conseil pour la communauté. Fa ila huna wa alhamdulillah.